Absolument, Eliman. Voici une asterisque version révisée, complète et affinée asterisque du asterisque chapitre 1 asterisque, fidèle à votre intention de asterisque neutralité intellectuelle asterisque, à la rigueur historique, et à l'intérêt profond pour l'Afrique comme sujet pensant. Dies asterisque livre 1 chapitre 1 revisé asterisque. Dies asterisque Cheikh Anta Diop, le socle intellectuel du panafricanisme de Sonko asterisque. Dies asterisque introduction du chapitre asterisque. Lorsqu'Ousmane Sonko évoque la souveraineté africaine, la dignité retrouvée ou la nécessité de rompre avec les structures néocoloniales, il ne cite pas toujours nommément Cheikh Anta Diop. Pourtant, la pensée du savant sénégalais imprègne ses discours, ses analyses, sa vision du monde. Cheikh Anta Diop, 1923-1986, physicien, historien et anthropologue, a consacré sa vie à une entreprise intellectuelle sans précédent, démontrée, par des méthodes scientifiques, que les civilisations africaines et notamment l'Égypte pharaonique étaient l'œuvre de peuples noirs, et non d'envahisseurs extérieurs. Dans un contexte post-colonial marqué par l'aliénation mentale, cette entreprise n'était pas seulement académique, elle était politique, éthique, existentielle. Comprendre le panafricanisme de Sonko exige de revenir à ce socle diopien. Non pour en faire un disciple littéral, mais pour saisir comment une pensée forgée dans les années 1950 continue d'éclairer les luttes du XXIe siècle. Dies asterisque 1. Cheikh Anta Diop, le penseur au cœur d'un monde en déni asterisque. Dies asterisque 1, le contexte colonial, l'Afrique effacée de l'histoire asterisque. Lorsque Cheikh Anta Diop entame ses recherches dans les années 1940, la majorité des manuels d'histoire, y compris ceux utilisés en Afrique francophone, affirment que le continent noir n'a pas d'histoire propre. L'historien allemand Hegel, souvent cité à l'époque, avait déclaré que l'Afrique n'est pas une partie historique du monde. Cette idée, relayée par les institutions coloniales, servait à justifier la domination européenne. Si les Africains n'ont jamais produit de civilisation, alors leur assujettissement n'est pas un crime, mais une mission. Diop, formé à la fois en physique nucléaire et en linguistique comparée, refuse ce postulat. Pour lui, la libération politique ne suffit pas, il faut une asterisque libération cognitive asterisque. Et celle-ci passe par la restitution de l'histoire. Dies asterisque B, l'Égypte nègre, une thèse scientifique et politique asterisque. En 1954, Diop soutient à la Sorbonne une thèse devenue légendaire, asterisque nation nègre et culture asterisque. Son hypothèse centrale, que l'Égypte pharaonique était une civilisation nègre, repose sur plusieurs axes convergents. Asterisque linguistique asterisque, il établit des correspondances entre le Wolof, le Peul et certaines racines de l'Égyptien ancien, en particulier dans les domaines religieux et familiaux. Asterisque anthropologique asterisque, il analyse les représentations iconographiques égyptiennes, peau sombre, cheveux crépus, et les descriptions des anciens Grecs. Hérodote parle des Égyptiens comme de gens à la peau noire et aux cheveux crépus. Asterisque culturel asterisque, il relève des similitudes structurelles entre les cosmogonies égyptiennes et celles de l'Afrique de l'Ouest, culte des ancêtres, importance du matriarcat, symbolisme du soleil. Sa thèse est rejetée par le jury non tant pour des raisons scientifiques que pour son caractère subversif. Pendant près de 20 ans, Diop continue à publier, à débattre, à affiner ses arguments. En 1974, lors du colloque international de l'UNESCO au Caire sur l'histoire de l'Afrique, Diop confronte les plus grands égyptologues de l'époque. Il ne gagne pas un consensus unanime, mais asterisque obtient une reconnaissance partielle asterisque. Plusieurs spécialistes admettent que la question de l'identité des anciens Égyptiens ne peut plus être tranchée de façon dogmatique. L'UNESCO ne valide pas officiellement sa thèse, mais son intervention marque un tournant, la porte est ouverte à une réécriture non eurocentrée de l'histoire africaine. Dies asterisque C, l'unité culturelle de l'Afrique noire asterisque. Au-delà de l'Égypte, Diop développe une autre idée fondatrice, asterisque l'unité culturelle de l'Afrique noire asterisque. Dans asterisque l'unité culturelle de l'Afrique noire asterisque, 1959, il montre que, malgré la diversité linguistique et ethnique, des constantes culturelles traversent le continent. La prééminence du lignage maternel dans de nombreuses sociétés. Des systèmes de justice fondés sur la réparation plus que sur la punition. Une conception cyclique du temps, opposée à la linéarité chrétienne ou moderne. Une relation organique entre l'humain, la nature et le sacré. Pour Diop, Cette unité ne signifie pas l'homogénéité, mais la astérisque astérisque possibilité d'une conscience commune astérisque astérisque une base pour une future unité politique. ... 2. De Diop à Sonko, transmission d'un héritage critique astérisque astérisque. ... la réappropriation de l'histoire comme acte politique astérisque astérisque. Ousmane Sonko ne se présente pas comme un historien, mais son discours est traversé par une préoccupation diopienne, astérisque astérisque l'Afrique doit raconter elle-même son histoire astérisque astérisque. Dans ses interventions publiques, il évoque régulièrement les empires précoloniaux au Mali, Songhaï, Ghana, Royaume Serer ou Diola non pour les idéaliser, mais pour astérisque astérisque contester la fatalité de la dépendance astérisque astérisque. Il souligne que ces États avaient des monnaies propres, des systèmes fiscaux, des diplomaties, des universités, comme Tombouctou. Leur effondrement n'est pas dû à une incapacité africaine, mais à l'agression coloniale. Ce rappel historique n'est pas une nostalgie. C'est une astérisque astérisque stratégie de désaliénation astérisque astérisque. Comme Diop, Sonko considère que tant que les Africains croiront avoir été toujours inférieurs, ils accepteront les chaînes du néocolonialisme. ... la dignité, astérisque karama astérisque, de l'éthique à la politique astérisque astérisque. Chez Diop, la quête scientifique visait à restaurer la astérisque astérisque dignité astérisque astérisque des Africains. Il ne s'agissait pas de prouver une supériorité, mais de rétablir une vérité bannie, les Noirs ont contribué à la civilisation humaine au même titre que les autres. Sonko reprend cette exigence sous le vocable Wolof de astérisque astérisque astérisque karama astérisque astérisque astérisque. Ce mot, qu'il utilise fréquemment, renvoie à une notion profondément ancrée dans les sociétés sahéliennes, la dignité n'est pas un droit abstrait, mais une condition existentielle. Perdre sa astérisque karama astérisque, c'est accepter d'être humilié, exploité, infantilisé. Ainsi, accepter que les réserves de change du Sénégal soient déposées à la Banque de France, c'est perdre sa astérisque karama astérisque. Laisser une puissance étrangère décider de la valeur de sa monnaie, c'est perdre sa astérisque karama astérisque. Ne pas contrôler ses ressources naturelles, pétrole, gaz, phosphate, c'est perdre sa astérisque karama astérisque. Le combat de Sonko, comme celui de Diop, est donc astérisque astérisque d'abord mental astérisque astérisque, il s'agit de faire en sorte que les Africains cessent de se percevoir comme des sujets, et se réapproprient le statut d'acteur. ... astérisque astérisque c'est, une exigence de rigueur, héritée de la science astérisque astérisque. Diop n'écrivait pas des pamphlets. Il publiait des études, confrontait les sources, mesurait les crânes, comparait les langues. Son approche était interdisciplinaire, parfois spéculative, mais toujours ancrée dans une astérisque astérisque volonté de preuve astérisque astérisque. Sonko, bien comme politique, a conservé cette culture de la preuve. Formé à l'École nationale d'administration et des magistrats, ENAM, inspecteur des impôts de formation, il mobilise des astérisques astérisques données économiques précises astérisques astérisques pour critiquer le franc CFA, le code des investissements ou les accords militaires avec la France. Il ne se contente pas de dire « la France nous vole », il explique astérisque comment astérisque via les comptes d'opération, les clauses de non-recours, les prélèvements automatiques. Cette rigueur, héritée de l'esprit diopien, distingue son panafricanisme de ceux qui se contentent de slogans. ... 3. Limites, nuances et défis de l'héritage diopien astérisque astérisque. ... le risque de l'essentialisme astérisque astérisque. Certains critiques, parmi lesquels des intellectuels africains, reprochent à Diop une astérisque astérisque vision trop unifiée de l'Afrique astérisque astérisque. En mettant l'accent sur les traits communs, n'occultons pas les différences ethniques, linguistiques, religieuses, politiques. Ce débat rejaillit sur Sonko. Lorsqu'il parle de l'Afrique, il tend parfois à la représenter comme un bloc face à l'Occident. Or, l'Afrique n'est pas monolithique, les intérêts du Nigeria ne sont pas ceux du Sénégal, les réalités du Sahel diffèrent de celles de l'Afrique australe. Une pensée panafricaine crédible doit astérisque astérisque intégrer cette diversité astérisque astérisque, sans la dissoudre dans une identité abstraite. ... la tension entre tradition et modernité astérisque astérisque. Diop lui-même s'interrogeait, astérisque astérisque comment conjuguer héritage africain et exigence de la modernité, astérisque astérisque faut-il restaurer les institutions précoloniales? Créer de nouvelles? S'inspirer d'autres modèles? Sonko se heurte à la même question. Il célèbre les royaumes africains, mais gouverne une république intégrée à l'économie mondiale. Il critique la France-Afrique, mais doit négocier avec des institutions comme le FMI ou l'Union européenne. Il prône la souveraineté monétaire, mais doit composer avec la réalité des marchés financiers. Ces tensions ne sont pas des contradictions, mais des contraintes structurelles du panafricanisme contemporain. Elles montrent que la pensée de Diop n'est pas une recette, mais un cadre de réflexion conclusion du chapitre Cheikhanta Diop n'a pas seulement réécrit l'histoire de l'Afrique, il a redonné aux Africains le droit de penser leur propre destin. Son œuvre scientifique et politique reste une référence incontournable pour quiconque veut comprendre les racines intellectuelles du panafricanisme moderne. Ousmane Sonko n'est pas un épigone. Il est un réactualisateur. Là où Diop travaillait dans les bibliothèques et les laboratoires, Sonko agit dans la sphère publique, les médias, les arènes diplomatiques. Mais les deux hommes partagent une conviction commune, forgée dans la même terre africaine, la libération de l'Afrique commence par la restauration de sa dignité intellectuelle et historique. Ce socle diopien ne garantit pas le succès politique. Mais il rend le combat sensé, cohérent, et profondément africain. Citation clé, révisée pour précision, Cheikhanta Diop Il ne s'agit pas de prouver que les Noirs sont supérieurs, mais qu'ils ont participé à l'histoire universelle comme les autres peuples. C'est un minimum de justice historique. Ousmane Sonko On ne peut pas construire un avenir souverain sur une histoire falsifiée. Tant que nous n'aurons pas réparé notre mémoire, nous serons condamnés à mendier notre liberté. Fiche conceptuelle, Cheikhanta Diop physique nucléaire, Sorbonne, linguistique comparée, anthropologie. Œuvre majeure nation nègre et culture 1954, l'unité culturelle de l'Afrique noire 1959, civilisation ou barbarie 1981. Thèse centrale l'Égypte pharaonique était une civilisation nègre BR, l'Afrique noire forme une unité culturelle BR, la libération cognitive précède la libération politique. Influence sur Sonko référence à la dignité historique BR, critique de la dépendance mentale BR, appel à une souveraineté fondée sur la connaissance de soi. Limite critique risque d'essentialisme culturel BR, hypothèse linguistique contestée BR, vision parfois trop centrée sur l'Égypte. Souhaitez-vous maintenant passer au chapitre 2, Sankara, Lumumba et l'héritage des révolutionnaires assassinés Générez une version prête à copier dans votre document texte brut, sans mise en forme Markdown. Ou faire une pause stratégique pour structurer la suite. Merci Quen pour ces arguments qui collent avec la vision de Sonko.